Jérémie chapitre 37. Or le roi Sédécia, fils de Josia, régna en la place de Shonja, fils de Jéhojakim, et il fut établi pour roi sur le pays de Juda par Nebuchadnetsar, roi de Babylone. Mais il n'obéit point, ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays, aux paroles de l'Éternel, qu'il avait prononcées par le moyen de Jérémie le prophète. Toutefois le roi Sédécia envoya Jéhukal, fils de Sélanja, et Sophonie, fils de Maaséja sacrificateur, vers Jérémie le prophète, pour lui dire, « Fais, je te prie, requête pour nous à l'Éternel, notre Dieu. » Car Jérémie allait et venait parmi le peuple, parce qu'on ne l'avait pas encore mis en prison. Alors l'armée de Pharaon sortit d'Égypte, et quand les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, en ouïrent les nouvelles, ils se retirèrent de devant Jérusalem. Et la parole de l'Éternel, fut adressée à Jérémie le prophète, en disant, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous direz ainsi au roi de Juda, qui vous a envoyé pour m'interroger, voici, l'armée de Pharaon, qui était sortie à votre secours, s'en va retourner en son pays d'Égypte. Et les Chaldéens reviendront, et combattront contre cette ville, et la prendront, et la brûleront au feu. Ainsi a dit l'Éternel, ne vous abusez point vous-même, en disant, les Chaldéens se retireront certainement de nous. Car ils ne s'en retireront point. Même quand vous auriez battu toute l'armée des Chaldéens qui combattent contre vous, et qu'il n'y aurait de reste entre eux que des gens percés de blessures, ils se relèveront pourtant chacun dans sa tente, et brûleront cette ville au feu. Or il arriva que, quand l'armée des Chaldéens se fut retirée de devant Jérusalem, à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie sortit de Jérusalem pour s'en aller au pays de Benjamin, se glissant hors de là, à travers le peuple. Mais quand il fut à la porte de Benjamin, il y avait là un capitaine de la garde, duquel le nom était Jéréja, fils de Sélanja, fils de Ananja, qui saisit Jérémie le prophète, en lui disant, « Tu te vas rendre aux Chaldéens. » Et Jérémie répondit, « Cela est faux, je ne vais point me rendre aux Chaldéens. » Mais il ne l'écouta point, et Jéréja prit Jérémie, et l'amena vers les principaux. Et les principaux se mirent en colère contre Jérémie, et le battirent, et le mirent en prison dans la maison de Jéhonathan le secrétaire, car ils en avaient fait un lieu de prison. Et ainsi Jérémie entra dans la fosse, et dans les cachots, et Jérémie demeura plusieurs jours. Mais le roi Sédécia y envoya, et l'en tira, et il l'interrogea en secret dans sa maison, et lui dit, « Y a-t-il quelque parole de par l'Éternel ?» Et Jérémie répondit, « Il y en a, » et lui dit, « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Puis Jérémie dit au roi Sédécia, « Quelle faute ai-je commise contre toi, et envers tes serviteurs, et envers ce peuple, pour m'avoir mis en prison ? Mais où sont vos prophètes qui vous prophétisaient, en disant, « Le roi de Babylone ne reviendra point contre vous, ni contre ce pays ? Or écoute maintenant, je te prie, ô roi, mon seigneur, et que maintenant ma supplication soit reçue devant ta face, et ne me renvoie point dans la maison de Jéhonathan le secrétaire, de peur que je n'y meure. » C'est pourquoi le roi Sédécia commanda qu'on garde à Jérémie dans la cour de la prison, et qu'on lui donna tous les jours, un pain de la place des boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consumé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison.